Bonjour amis scorpions, alors on va regarder ensemble quel va être le tirage de votre oracle de Béline. Mais pour vos amours, donc pour le mois d'avril 2023, on regarde le tirage mensuel, mais on se concentre davantage maintenant sur vos amours. En tout cas, on va regarder cette fois-ci. Quelle est la coupe déjà? Ah ben, on demande pour vos amours et je coupe quoi? Eh bien, je coupe vos amours. Je coupe les amours et je coupe quoi avec? La réussite. Donc, on a Vénus, on a le soleil. C'est la grande réussite, le grand succès amoureux. Donc, ça, c'est passionnant déjà. Eh ben, dites donc, vous avez de la chance. Alors maintenant, j'espère que le tirage, il va être tout aussi positif, bénéfique. Maintenant, il colore le jeu, donc il apporte quand même une touche positive à votre tirage amoureux. Alors là, il y a une nouvelle, donc je dois demander c'est quoi? Bon, bah écoutez, c'est excellent. Je fais tout tomber, pardon, mais je les remets à la même place. Alors, apparemment, alors je vais devoir le lire en deux fois parce qu'il y a pour les célibataires et les couples, parce qu'ici c'est assez évident. Je vais partir sur les célibataires pour changer. Donc voilà, d'abord c'est vrai que vous dans le passé proche, vous avez une sensation de perte, il y a une rupture, ou en tout cas vous avez pu avoir l'impression que la personne que vous avez perdue ou avec qui ça n'a pas fonctionné, eh bien c'était une grosse perte. Ou l'impression que vous n'allez jamais rencontrer l'amour qui peut marcher, qui vous convient. Alors, heureusement devant vous, on a l'union, donc ça veut dire qu'une rencontre importante est en train d'arriver. Cela se confirme par la carte du changement qui rayonne sur le jeu, donc votre vie affective est en plein changement. Avec, je dirais, générosité, donc ça arrive, on dirait que vous allez avoir des nouvelles, en fait, d'une personne généreuse, profonde, sincère, qui veut une relation stable et durable avec vous. Voilà, donc là, c'est vraiment un mois excellent. Donc, faites tout ce qu'il faut pour vous mettre en avant et pour faire cette belle rencontre. Pour les couples, j'essaie d'aller vite parce que je suis obligée de faire du coup deux lectures. Pour les couples, eh bien, par rapport à des petits soucis dans le passé proche, où vous avez pu vous poser quelques questions sur votre couple, ou alors il y a eu des petites difficultés malgré tout à affronter ensemble, eh bien, vous vous rendez compte en avril que votre couple, il est vraiment stable, durable, solide. Il y a un changement très intéressant qui est en train de se produire et vous allez vous rapprocher. Peut-être que votre partenaire était un peu trop occupé à d'autres choses, et elle va ou il va vous revenir pleinement, dans plus d'attention, dans plus d'affection pour vous, ce qui va vous combler. Alors profitez-en.